Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour ma chronique hebdomadaire. Donc cette semaine, je vais vous parler, enfin cette semaine, mon coup de cœur plutôt, c'est la série avec laquelle j'ai commencé à lire, donc Les Chevaliers d'Emeraude. Donc cette série, selon moi, déjà pour commencer, c'est une des meilleures du monde. Hein. Comme j'ai dit, c'est grâce à elle que j'ai commencé à lire. Donc il fallait absolument que je vous la fasse. Elle a été écrite par Anne Robillard et elle est très longue. Si vous voulez, en fait, Anne Robillard, avec Chevaliers d'Emeraude, elle a fait 12 tomes, d'accord? Et après, elle a fait une suite. Mais selon moi, c'est comme une sorte de saison. Les Chevaliers d'Emeraude, c'est la saison 1, si vous voulez. Il y a une saison 2 qui s'appelle Les Héritiers d'Enkidiev. Et une saison 3 qui est en cours de production qui s'appelle Les Chevaliers d'Englingstar, si je me rappelle bien. Je le prononce pas très bien, je sais. Il y a déjà 6 tomes de sortie sur les 12. Ah oui, parce qu'il y a 12 tomes à chaque fois, hein, donc ça fait 36 tomes à la fin. Vous vous amuserez bien si vous voulez reprendre la série depuis le début. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'Enkidiev, un continent peuplé d'hommes, d'elfes et de fées. Et de fées et de magiciens. Et depuis 500 ans, le continent est en paix. Mais avant, il y a eu une guerre contre l'empereur noir, Améiract, donc souverain d'Iranet. Je sais par contre la prononciation pour ceux qui connaissent, hein, je prononce très mal. Donc c'est un empire d'hommes insectes scarabées bizarres situé sur une sorte d'île un peu plus loin, assez grande. Donc en fait, Améiract, il tente d'envahir une seconde fois Enkidiev. La trame de l'histoire, en fait, c'est que le roi d'Emeraude ressuscite un vieil ordre qui s'appelle les Chevaliers d'Emeraude, donc le nom de la série, qui, eux, doivent un peu protéger les terres, et qui doivent aussi protéger Kira. Donc Kira, en fait, c'est la fille d'Améiract, donc l'empereur noir, et en fait, elle-même doit protéger le porteur de lumière, donc la personne qui doit détruire son père. Oui, c'est très logique, je sais, hein. Et le gros inconvénient de la série, déjà, vous vous amuserez, c'est qu'il y a 1 milliard de noms. Au départ, à la fin du 12e tome, si vous voulez, vous avez une quarantaine de noms à retenir. Hein, littéralement. Vous allez vous amuser à retenir tous ces noms. Par un moment, en fait, je me les notais même pour m'en souvenir, parce que... c'est des noms bizarres, franchement. C'est peu commun, mais genre vraiment peu commun. Du coup, vous allez vraiment vous amuser à tout retenir. Et en plus, avec les Chevaliers d'Emeraude, il s'est passé un truc pas mal. C'est qu'en fait, Anne Robillard nous a dit dans une interview qu'elle avait imaginé la trame des 12 tomes-là dans un rêve. En fait, c'est un rêve qu'elle a fait. Et genre, elle s'est vue traverser la cour d'Emeraude, du château, et avec un chevalier à côté de lui qui lui expliquait. En gros, la trame, voyez-vous. Et après, c'est elle qui a évidemment... les détails, les noms et compagnie, mais la trame de départ, elle l'a eu dans un rêve, ce qui je trouve est quand même amusant, hein. Parce qu'il faut quand même aussi dire que cette série a été, au moment où elle est sortie, un peu après, la série la plus lue d'Heroic Fantasy de France. Il s'est écoulé à plus de 2,9 millions d'exemplaires rien qu'au Québec, parce qu'elle est québécoise, Anne Robillard, donc ça a été une série assez énorme. Et en fait, après la suite, elle s'est décidée... En fait, de base, elle voulait pas l'écrire. Et il y a plein de personnes qui l'a menacée de mort, pour rigoler, évidemment, et qui vraiment voulaient la suite, parce que ça a pris un ampleur assez gros. Et en fait, c'est un petit garçon, je sais plus si elle le connaissait intimement, qui lui a demandé de continuer. Et allons savoir pourquoi. Finalement, elle a continué. Grâce à ce petit garçon, donc du coup qu'on remercie bien fort, puisque la suite, même si certains diront « Ouais, mais de toute façon, après, ça part en cacahuète et tout », moi je dis que c'est quand même vraiment pas mal. En fait, Anne Robillard, de base, écrit déjà très bien. J'avais lu une autre de ses séries avant, Ange, qui était déjà franchement... en fait, son style d'écriture qui est très facilement lisible. Donc... Ça fait beaucoup de choses, si vous voulez. Donc, voilà. J'espère vous avoir donné envie de lire cette série, en fait, parce que c'est vraiment grâce... En fait, c'est cette série que j'ai vue en premier, je me suis mis à lire ça, et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est bien de lire des livres. Et après, j'ai lu des livres. Donc, Les Chevaliers d'Emeraude, d'Anne Robillard. Série que je vous conseille à 1 milliard de pourcents, littéralement, hein, même plus, si vous voulez. voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à toutes. C'était Aurélien. Au revoir.